l'économie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans ce Paris, affreux désert d'égoïsme pour qui n'a rien, pour qui n'est rien, dans ce Paris, la nuit est sans doute encore pire qu'ailleurs, surtout au XIXe siècle. Le soir, la chanson réaliste, heureusement, était interprétée, après avoir été écrite et composée par Aristide Bruand. Aristide Bruand, qui écrivit un roman intitulé « Les bas-fonds de Paris », adapté au début des années 80 sur France Culture, et dont voici les 8e et 9e épisodes. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stein. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 8e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Pierre Constant, Monique Thierry, Roger Mollien, Pascal Mazotti, René Renault. Réalisation Claude Roland-Manuel. Je ne gobe pas, elles sont du glas, de l'église, du Maine. J'aime cent fois mieux les chants joyeux et de la Madeleine. Y a des chouettes gens qui a des argents et de la bedaine. Y a pas de lapins, y a que des rupins à la Madeleine. Il y a des dos, caldos plus gros que les dos du Maine, et par-dessus, des par-dessus à la Madeleine. Ils sont des louis qui a beaucoup de louis sans beaucoup de peine, car à l'écart, à fond leur car à la Madeleine. Quand ils crèveront, ils s'en iront le cul dans la laine, comme tous les Maccabées qu'a le sac à la Madeleine. Moi, quand je crèverai, je m'en irai sans qu'on amène le corps et le corbillard à Bibi à la Madeleine. L'architecte Jean Robin, surnommé le roi de la pierre, revenu d'Amérique milliardaire et devenu le roi de Paris, n'a pas oublié son amour de jeunesse, Adrienne. les deux amoureux découvrent ce que fut la machination du banquier Bonnaire, père d'Adrienne, pour les séparer et marier Adrienne à Roger de Charmeuse. Adrienne en profite pour régler ses comptes avec son père. Et maintenant, avec son mari. Permettez, madame. Disons les choses comme elles sont. Vous allez rejoindre le milliardaire Jean Robin, alors que je suis, moi, ruiné. Il ne vous suffit plus d'être comtesse. Vous voulez devenir reine. Reine de la pierre. Roger, vous tombez à pic. Oui, le comte calcule déjà que le départ de sa femme consommerait sa ruine définitive. Qu'un divorce le couvrirait de honte et l'acculerait au suicide. Père, regardez-le. Il est là, bien décidé à défendre jusqu'au bout ce qu'il appelle sa propriété. Vous, comte, vous. Vous venez aussi avec d'immondes insultes. Vous parlez du milliardaire Jean Robin. Vous faites erreur, monsieur. Il n'y a pour moi que Jean, le pauvre Jean, sacrifié à votre rapacité et vos appétits insatiables. Il n'y a pour moi que l'homme aimé toujours. L'homme dont je porterai aujourd'hui le nom si mon père ne m'avait odieusement trompé. Je ne vous apprends rien. Peut-être avez-vous aidé à cette besogne misérable, car il vous fallait de l'argent, toujours de l'argent, pour payer vos dettes de jeu, entretenir vos maîtresses. Je me demande lequel est le plus digne de mon mépris. Osez donc parler d'argent. Rétablissons les faits, voulez-vous. Vous étiez enceinte. J'avais besoin d'argent. Votre père m'a proposé une affaire. Mon nom et ma couronne comtale contre une somme dont je n'ai touché que la faible moitié. En tant que fille de financier, vous devez connaître un peu l'arithmétique et posséder par atavisme l'honnêteté commerciale qui doit vous venir d'une lignée d'honnêtes spéculateurs. Vous connaissez donc le doigt et l'avoir. Établissez votre bilan, madame. Voici le mien. Je vous ai souscrit un billet. J'ai payé en vous donnant mon nom, en reconnaissant et en faisant élever une enfant qui n'était pas la mienne. À vous de payer votre dette. Mais voilà. Vous trouvez plus simple de vous dérober. Chacune de vos paroles a une intention violente de dédain nobiliaire pour la fille roturière des financiers. Une expression d'insulte qui devrait faire bondir mon père s'il avait le moindre sens de pudeur ou de paternelle fierté. Allez-y, monsieur. Établissez vos droits. Pour vous, le divorce serait une banqueroute. En vérité, madame, ce serait trop simple. On cherche un bon jeune homme, naïf à souhait, porteur d'un beau nom. On l'attendrit sur les malheurs d'une pauvre petite innocente trompée par son amant, abandonnée, trahie. On lui demande de couvrir de son honorabilité la chute de la petite, et au besoin, le bon petit jeune homme soutiendra quelques duels, risquera sa vie. Il consent, loyalement. Il accepte tous les sacrifices d'amour propre. Il épouse. Pendant des années, il n'a pas un mot, pas un regard, pas un geste qui puisse rappeler son passé à la femme. Il l'entoure de respect. Il force tout le monde à s'incliner sur son passage. Il tait ses douleurs, ses révoltes intimes. Il n'avoue jamais qu'il souhaiterait l'aumône d'un sourire plus doux, d'un regard moins froid. Et lorsque l'amant reparaît, on dit au bon petit jeune homme « Vous avez très bien joué votre rôle, merci, vous pouvez vous en aller. Il suffira d'un petit divorce pour vous jeter dehors. » Ah, j'ignore de quoi est faite votre honnêteté, madame. Quant à la mienne, elle répugne à de pareilles solutions. Roger a mille fois raison. Vous êtes un excellent comédien. Tout ce que vous venez de dire pourrait me pousser à réfléchir si le mensonge ne suait de toute votre personne. Toutes vos paroles n'ont qu'un but. Il vous est dû 2 millions. Monsieur Bonnaire se refuse à vous les donner. Moi, je me charge de vous payer. Vous m'avez fourni une marchandise, c'est exact. Vous serez payé. Par qui? Par quoi? Par le milliardaire Jean Robin. Par mon amant. Il est habitué aux aumônes. Ramassez celle-là, monsieur le comte. Enfer! Et vous n'avez pas su lui clouer le bec? Quelle histoire! Oh, voilà du grabuge! Et ce coco-là qui me casse mon matériel! Il n'y a pas à dire. Avec ces noms de dieux de femelle, on n'a jamais le dernier mot. Oh, ça allait si bien! J'étais si tranquille. Un hiver qui rendait son été renversant. Quelle sale histoire! Oh non! Il n'y a pas moyen de vivre en paix! Oh, ça! J'espère que vous allez m'arranger ça, vivement. Vous êtes le mari, le maître de la poigne, sacrebleu, de la poigne. Je sais bien ce que je ferai à votre place. Au lieu de vous en prendre mes potiches, je lui foutrai sur la gueule, nom de Dieu, sa maîtresse. Y'a que ça. Moi, la mienne, on est crevé. Adrienne a raison. Décidément, vous êtes encore plus immonde que moi. Mais c'est votre faute aussi. Comment, depuis des années et des années, jeune, beau garçon, brillant, vous n'êtes pas arrivé à conquérir votre femme? Nous, on n'a pas idée. Épargnons-nous les récriminations, n'est-ce pas? Ah, oh, sur ce terrain, j'aurais trop à dire. Vous avez tout à l'heure prononcé le mot juste. Je suis le mari. Je saurai faire valoir mes droits. Tous mes droits. Et c'est bien simple, mon cher Bonheur. Je vais jouer mon va-tout. Le soir même, à l'opéra, l'entrée de Jean Robin fit comme toujours sensation. Jean souriait. Il n'entendait pas le mot « milliardaire » qui volait de bouche en bouche, soulevant un frémissement d'envie métallique. Et il songeait. Regardez bien. Il y a ici un homme heureux. Un homme qui, il y a 24 heures, eût payé d'une fortune royale une seule des paroles de celle qu'il aime et qu'il porte dans son cœur comme en un sanctuaire d'amour. Mais un sourd malaise l'arracha à la céleste contemplation de l'image tant idolâtrée. Dans la douceur de sa rêverie que berçaient les rythmes puissants de Verdi, il éprouvait cette on ne sait quoi de magnétique qui force l'attention d'un homme. Son regard, irrésistiblement attiré, se posa sur un spectateur qui le fixait avec une obstination soutenue. Jean le désigna à l'un de ses invités présents dans la loge. Qui est-ce? Le comte Roger de Charmeuse. Ah! Et il détourna son regard du mari d'Adrienne. Mais il frissonna et malgré sa puissance sur lui-même, il se sentit pâlir. Peut-être une vague intuition lui annonçait-elle une catastrophe prochaine. À l'entracte, Jean Robin sortit dans les couloirs en compagnie de ses amis. À 10 pas de lui, le comte de Charmeuse venait à sa rencontre. Celui-ci s'arrêta en face de Jean et le regarda sans dire un mot. Veuillez me laisser passer, monsieur, s'il vous plaît. Le comte de Charmeuse ne cède sa place à personne. On voit que monsieur revient de l'autre monde. Il ignore qu'à Paris, les maçons ne sont pas admis dans la bonne société. Sans quoi, il ne se fût pas hasardé jusqu'ici. Comte, vous êtes ivre. Monsieur Robin a besoin de défenseurs. Cela n'a rien d'étonnant. On assure que le roi de la pierre est monsieur aussi le roi. Monsieur Charmeuse, je ne me battrai pas avec vous. Oh, pas même si je vous souffrette. Pas même si je vous appelle le roi des lâches. Comte, ramassez votre gant. Le tenez-vous pour reçu. Il le faut bien, puisque vous voulez absolument que je vous tue. Je suis perdu. Adrienne retrouvée et reperdue. Si le comte me tue, tout est fini. Si je le tue, il y aura toute la ville infranchissable fossée du sang. Dans les deux cas, elle est perdue pour moi. Adieu, rêve de douce paternité. Adieu, bonheur. Adieu, amour. Ce Robin est d'une bravoure incontestable. Mais je ne suis pas non plus un trembleur. Il est d'une habileté consommée à l'escrime et au pistolet. On affirme qu'il fait mouche 12 fois sur 12. Mais je passe également pour un bon tireur. On verra bien. Qu'est-ce que je risque? Ma peau. Et voilà tout. Tandis que lui... Si je la bats, tout peut encore s'arranger. Allons, la partie est engagée. Demain, les témoins. Et après-demain matin, le suprême coup de carte. Le va-t-on. Le comte de Charmeuse était joueur et, comme tous les joueurs, fataliste. Et ceci explique son caractère velléitaire, qui parfois n'essayait pas de réagir, de lutter, lorsque le destin se déclarait contre lui. Revenons à Adrienne. En quittant le cabinet de son père, elle rentra dans son appartement. Et comme Jean songeait à elle, elle eut la pensée toute remplie de Jean pendant les heures qui suivirent. La situation m'apparaît claire et simple. Nous nous sommes gardés dans la même foi et dans les mêmes souffrances, une fidélité à toute épreuve. J'adore Jean, et Jean ne cesse pas de m'aimer. Donc la seule solution logique possible, la voie toute tracée, le divorce et le mariage avec Jean. Dès demain, je quitterai la maison de mon père. J'irai vivre auprès d'une de mes tantes, jusqu'à ce que les tribunaux aient statué sur ma demande de divorce fondée sur l'escroquerie morale dont j'ai été la victime. Je vais les informer l'un et l'autre de mes intentions par lettre. Aussitôt après le mariage, nous quitterons ce Paris où j'ai tant pleuré. Nous nous en irons loin. Peut-être en cette Amérique où mon Jean a accompli des prodiges. Nous habiterons l'une de ces villes qu'il a bâties de toutes pièces, qu'il a fait surgir des pampas désertes. Comme par un coup de baguette magique. Les projets se pressaient dans son imagination enfiévrée. Elle écrivit deux lettres, courtes mais explicites, à son mari et à son père. Vive et légère, elle vaquait à ses préparatifs de départ. Une sourde impatience la rongeait d'être au lendemain. Le jour s'écoula comme l'éclair et Adrienne fut toute surprise quand elle vit entrer dans son boudoir la soubrette qui apportait les lampes. Je suis sûr que vous ne m'attendiez pas. Vous ici? Excusez-moi de ne m'être pas fait annoncer, vous ne m'eussiez pas reçu. Et pour la première fois, pour la dernière peut-être, je tenais à profiter des droits que me confère la loi de pénétrer à toute heure chez ma femme, bien que n'habitant pas sa maison. Oh, rassurez-vous. Détendez-vous. Je ne viens pas vous faire une déclaration d'amour. D'autres se chargent mieux que moi de ce soin. Nous avions à causer, ce me semble. Notre entretien de tantôt fut, comment dirais-je, un peu vif, mettons un peu fou. Reprenons-le sur un mode plus sage. Que pourriez-vous me dire, monsieur? Vous connaissez l'abominable piège que m'a tendu monsieur Bonner, mon père. Vous savez mes intentions. Que vous faut-il de plus? Justement, j'ai à vous parler au sujet de ces intentions. Elles sont inébranlables. Je vous les confirme dans la lettre que vous voyez là, sur ce guéridon. Vous permettez? Puisqu'elle m'est destinée. Ah. Voilà qui est court et catégorique. et signé de votre nom de jeune fille. Afin d'affirmer ma résolution de renoncer à mon titre de comtesse et tenir notre mariage pour nul et non avenu. J'avais compris. Me sera-t-il permis de demander ce que vous comptez faire, le divorce obtenu ? Oui, je l'avoue, je suis venu pour satisfaire ce point de curiosité. Et si indigne d'un galant homme que vous paraisse ma question, je la pose. Et vous jugerez qu'elle m'est inspirée par le véritable intérêt que je vous porte. Une fois le divorce obtenu, vous épouserez Monsieur Jean Robin. Eh bien, ce mariage sera impossible. Impossible ? Et qui le rendra impossible ? Moi. Moi ou mon cadavre. Que voulez-vous dire ? D'ici 48 heures, Monsieur Jean Robin m'aura tué ou j'aurai tué Monsieur Jean Robin. Misérable ! Vous voulez le provoquer ? C'est fait, madame. La provocation a été faite, et bien faite, devant 200 personnes. Il est impossible à ce monsieur d'éviter le duel. Oh, non. Savez-vous que vous êtes un lâche, comte de Charmeuse ? Savez-vous que le dernier de vos domestiques a plus de noblesse sous sa livrée que vous n'en avez sous votre plastron de viveur ? Quelle bouche charrie donc le sang de vos veines ? Dites ! Dans quelles ignominies vous ramassez les parchemins qui vous affublent d'un titre, comme d'un masque turpide ? Ah, comme vous me haïssez ! Mais votre haine, madame, est ma joie, mon trésor. Elle me permet de vous éclabousser du sang de l'une de vos victimes. Jean Robin ou moi ? À votre choix. Comme vous cherchez à vous hausser dans votre propre estime. Vous parlez de haine. De la haine. Allons donc. Monsieur, mon regard passe par-dessus votre tête. De la haine. Contre vous. Dites du mépris. Un mépris qui submerge mon âme du dégoût que vous m'inspirez. Plus vous aimez Jean Robin, plus ma satisfaction est complète à vous séparer. Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Débarrassez-moi de votre odieuse présence. Sortez ! Vous me renvoyez comme un amoureux transi ? Je vous chasse comme un laquais ! Ce fut pour la malheureuse Adrienne une nuit fantastique d'horreur, un cauchemar d'angoisses enfiévrées et de larmes. Toute sa pensée se tendait vers un but unique. Je dois empêcher à tout prix le duel de Jean avec le comte. Mais comment ? Et si je ne trouve pas, si Jean est résolu à se battre ? Mourir. Oui, mourir. Mourir avec lui. L'aube la découvrit prostrée dans une bergère de son boudoir. La triste matinée d'un jour gris et terne s'avançait. Oui, mourir, la seule solution, mourir. Elle parut prendre enfin une résolution, épongea à la hâte son front brûlant, s'habilla et sortit. Au premier bureau de poste qu'elle rencontra, elle rédigea une dépêche adressée à Valentine Clément. Venez immédiatement avec ma fille. Venez sans perdre un seul instant. Oui, Adrienne avait eu cette pensée d'ineffable douceur. Présenter son enfant à Jean Robin avant qu'il courût au devant de la mort. Pensée au fond de laquelle germait peut-être une confuse espérance. De la poste, Adrienne se rendit chez Jean Robin. Dans le vestibule de l'hôtel particulier, elle croisa deux hommes, sans savoir qu'il s'agissait des témoins de l'architecte qui se rendait chez ceux de Charmeuse. Jean se tenait dans le jardin d'hiver, le front appuyé à la baie vitrée. Adrienne, mon bonheur, ma femme adorée, je ne peux songer à toi sans songer à notre enfant que je ne connais pas, que je ne connaîtrai peut-être jamais. Oui, tout vit. Le jardin respire dans la mélancolie de l'hiver. Au loin, Paris gronde dans la géhenne infinie de ses plaisirs et de ses labeurs. La terre ne s'effondre pas. Ma solitude m'apparaît alors plus poignante dans la majestueuse indifférence des choses. Alors, à quoi bon ma fortune ? Jean, mon chéri. Adrienne. Ma vie, maman. Je t'avais promis de venir, je suis venue. Tu penses à moi autant que je pense à toi. Laisse-moi te voir, te contempler, mon Jean, il y a si longtemps. C'est toi. Dire que c'est toi. Adrienne, il faut rentrer chez ton père. Oui. Malheureuse. Malheureuse. Tu vas te battre avec lui, il me l'a dit. Lui. Mais c'est donc un misérable. Mon pauvre ange, pourquoi suis-je revenu? Hélas, peut-être aurais-tu fini par m'oublier et conquérir la paix du cœur. J'apparais et c'est pour t'ouvrir la porte des enfers du désespoir. Moi qui voudrais te rendre l'égal des reines dans l'idolâtrie d'un amour infini. Jean, tu ne te battras pas, non, tu ne te battras pas. Nous partirons ce soir, demain, quand tu voudras. Nous partirons avec ton enfant. On va te l'amener. Nous irons loin. Nous vivrons ignorés, sans nom, si tu le veux. Qu'avons-nous besoin d'un nom? Nous nous appelons l'amour. Adrienne, que me proposes-tu? Ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai. Tu veux donc Paris que le monde entier crie dans mon dos que je suis un lâche? Paris, que m'importe Paris? Je le hais, Paris. Le mensonge et l'hypocrisie, les femmes perverses, les hommes lâches. Et c'est pour cela que tu veux me sacrifier. Que nous importe ce que Paris dira derrière nous? Écouteras-tu d'autres voix que la mienne? Fuyons, Jean, ce cloaque où mon père lui-même n'a pas pu me donner l'illusion d'un sentiment pur de tout calcul. Nous emportons avec nous notre joie, notre vie, notre amour. Que laisseras-tu à Paris? Rien. Mon honneur, Adrienne. Demande-moi le sacrifice de ma vie et de mon cœur. Mais laisse-moi ce qui fait qu'un homme a le droit de marcher le front haut. L'honneur. Comment oserais-je te regarder en face? Dans quel coin de la terre pourrais-je cacher mon humiliation sans entendre toujours la clameur réprobatrice « Jean Robin est un lâche ». Je veux, mon épouse adorée, que tu demeures fière de moi, mort ou vivant. Les hommes ne savent pas aimer. Adrienne, mon ange chéri, Dieu m'est témoin que je ne sacrifie pas ton amour à un faux point d'honneur mondain. Je veux que tu puisses venir pleurer sur ma tombe si je meurs sans que nul ait le droit de sourire de ton deuil. Et si je vis, je veux que tu puisses me rencontrer sans rougir. C'est à toi seul, que je songe, puisque ce duel fatal est inéluctable. Non! Oh non, tu es décidé à ne pas défendre ta vie. Oui, je te devine. Blessé par le comte, ton honneur est sauf. Mais si tu répands le sang du mari, tu creuses entre nous un fossé que rien ne pourra jamais combler. Mais je crierai la vérité. Quelle vérité? Accabler ton père pour défendre ton amant? Crois-tu que les honnêtes gens comprendraient? Non. Mon seul espoir réside tout entier dans une possible maladresse du comte. Mais cet homme qui a su t'infliger la torture de ce duel me tuerait plutôt 10 fois de sang-froid. Et tu regarderas venir la mort, le sourire aux lèvres. Mais s'il t'arrive malheur, Jean, je te le jure, je deviendrai criminel. C'est moi qui abattrai de sang-froid l'homme odieux dont le malheur veut que je porte le nom. Non, surtout pas, Adrienne. Promets-le-moi pour ta fille. Pour notre enfant. Adieu, ma bien-aimée. Au revoir, mon bien-aimé. C'était Les Bas-fonds de Paris par Jean-Jacques Stein. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 8e épisode. Avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et Pierre Constant, Jean Robin, Monique Thierry, Adrienne, Roger Mollien, Roger de Charmeuse, Pascal Mazzotti, Bonnaire, le journaliste René Renaud et Luc Gentil. La rue Saint-Vincent par Francine Bouffard, au piano Roger Pouli. Bruitage Patrick Martinache, collaboration technique Maurice Biard, prise de son Madeleine Sola, assistante Annie Delers. Réalisation Claude Roland-Manuel. Ce 8e épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 9 septembre 1981. Le lendemain était proposé le 9e, on s'en doute, et le voici à l'instant. À la vie sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 9e épisode. Avec Jean-Roger Cossimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Pierre Constant, Monique Thierry, Douchka, Roger Mollien, René Renaud. Réalisation Claude Roland-Manuel. Sacré cochon de client! Vous me changez de votre ange, bande de bipèdes! Je vais vous dégoiser la romance des quadrupèdes, mes copains, les braves gens. Qu'ils soient ou de rue ou de race, d'appartement ou des jardins, chiens de berger ou chiens de chasse, ou cutéreux ou citadins, les chiens sont fidèles au maître. Et bien qu'ils soient intelligents, jamais l'un d'entre eux ne fut traître. Tous les chiens sont de braves gens. Oui, tous, et surtout les quatre pattes, les kleps qui ne sont jamais pris, qui vont sans maître, sans pénâtre, et, chiens libres dans leur Paris, y trouvent le gîte et la soupe. Ils sont voyous, intransigeants, mais ils marchent avec la troupe. Tous les chiens sont de braves gens. De braves gens, de bonnes bêtes, qui nous caresseront joyeux, et dont les grands yeux bien honnêtes vous regardent droit dans les yeux, qui souvent partagent leur niche avec les petits indigents, comme Toutou, le bon caniche. Tous les chiens sont de braves gens. On verra. En attendant, baisser un peu le diapason, que je puisse converser avec monsieur de l'Excelsior, mon pote. Je résume, monsieur Bruand. Comme il l'avait promis au banquier Bonnaire, devant la résolution d'Adrienne de divorcer, le comte de Charmeuse joue son va-tout. Il élabore un plan diabolique, il insulte publiquement Jean Robin, l'acculant à un duel inéluctable. Ou il tue Jean Robin, ou celui-ci le tue. Et dans cette seconde hypothèse, il ne pourra épouser la veuve de sa victime. Jean Robin est pratiquement condamné. Adrienne rentra chez elle, l'esprit perdu. Ma fille, pauvre petite, bientôt orpheline. Je l'ai bien senti, mon Jean ne se défendra pas. Il se laissera tuer plutôt que de renoncer à notre amour. Toucher au bonheur et le voir s'échapper. Une femme l'attendait chez elle, recroquevillée dans un fauteuil de l'antichambre. Elle se leva péniblement à la vue d'Adrienne. Valentine Clément? Oui. Mais une Valentine Clément qu'elle eut peine à reconnaître, tant ses joues étaient creuses, son front livide, ses yeux brûlés de fièvre, d'où jaillissait une phosphorescence de folie. Valentine, brisée, courbée, le spectre de la belle fille de jadis. Adrienne ne remarqua pas ces signes d'une extraordinaire déchéance physique. La vie des autres demeurait plongée dans la nuit. Vous avez déjà reçu ma dépêche, si vite? Oui, madame. Où est Geneviève? Où l'avez-vous laissée? Madame, Geneviève est morte. Adrienne ne fit pas un geste. De nouveau, elle subit ce vertigineux étonnement de voir que rien ne pouvait plus l'émouvoir. Comme si déjà, elle eût été morte elle-même. Morte? Oui, madame. Geneviève est morte. Le pauvre ange adoré s'est endormi dans mes bras pour toujours. Elle est là-bas, dans les fleurs blanches que j'ai entassées autour de son corps. Si vous saviez comme elle a souffert. Non, vous ne le savez pas. Vous ne pouvez savoir les angoisses d'une mère qui voit mourir sa fille un peu tous les jours. Chaque heure qui s'écoule est un pas vers la mort. Elle est morte. En m'appelant, maman, si seulement je pouvais mourir aussi. Oui, j'aurais peut-être dû vous prévenir, vous écrire que la pauvre enfant s'affaiblissait chaque jour. Vous écrire. Pourquoi faire? Vous n'étiez pas sa mère. Pas sa mère? Vous divaguez, revenez à vous. Non, non, non, non. À quoi bon vous prévenir? Vous n'étiez pas sa mère. Non. La mère de Geneviève, c'est moi. Moi, vous dis-je. Vous pouvez me dénoncer, me faire jeter en prison. Il n'y aura pas d'expiation assez dure pour me faire oublier cette autre expiation que j'ai subie pendant des années. La mort lente de ma fille. Je n'entendrai plus sa voix si tendre m'appeler doucement. Oh, si doucement. Maman. Rappelez-vous, ma fille, née en même temps que la vôtre. Tandis que vous enfantiez dans votre hôtel, moi j'accouchais sur le trottoir. On me fit entrer. On me soigna. Et l'homme apparut. Le père de Geneviève, oui. Le père. Votre mari, le comte de Charmeuse. Roger, mon amant. Oh. Continue, parle. Oh. Dis-moi tout, mais parle donc. Dire quoi, hélas? Que Roger était mon amant. Qu'il m'abandonna à la rue. Que je vécus une heure atroce en apprenant son mariage. Que je me traînais jusqu'à son hôtel prête à mettre au monde l'ange qui n'est plus. Vous dire quoi, madame? Que dans la nuit, il m'apporta votre fille, tandis qu'il transportait la mienne dans votre chambre. Par quelle parole me fit-il consentir à la substitution? Au crime? Le sais-je? J'étais à bout de fatigue, de douleur et de chagrin. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je devins chez vous nourrice de ma propre fille. Ce que j'ai pleuré. Dénoncez-moi, madame. Tuez-moi. Car vous aussi, vous allez commencer à souffrir. Vous aussi, vous allez passer des nuits à tendre vos bras aux fantômes de votre fille. Ma fille! Ma fille! Qu'en avez-vous fait? Où est-elle? Mais parle donc, misérable. Si tu ne veux pas que je t'enfonce mes 10 doigts dans la gorge, oui. Jusqu'à ce que j'en sorte ton monstrueux secret. Ah oui. Ah, tuez-moi, tuez-moi. Dis-moi seulement qu'elle vit. que vous ne l'avez pas tué, que je la reverrai. Oh, je te pardonnerai, je te bénirai, tu seras ma sœur. Il m'a dit qu'elle était morte. Morte? Mais vous êtes donc des monstres. Il ne l'a pas tuée, il est trop lâche. Il voulait simplement que je lui fiche la paix. Mais qu'est devenue la pauvrette? Il seul la sait. Incroyable. Si le comte entrait là en ce moment, s'en serait fait de lui. Vous allez rester là. Vous êtes le témoin, je vous garde. Comme vous voudrez. Rien ne m'importe plus. À moi, il m'importe. Le comte coupable d'une substitution d'enfant, le comte criminel, est à ma merci. Je peux lui arracher Jean Robin. Ah, Mélanie. Faites atteler. Il faut que je retrouve le comte à tout prix. Madame, monsieur le comte a donné des ordres formels au concierge pour qu'on reçoive demain matin à 7h 3 de ses amis qui viendront le demander chez son beau-père. Monsieur le comte a dit positivement qu'il viendrait lui-même vers cette heure-là. Merci, Mélanie. Je comprends. C'était moi. Monsieur le comte, n'avouant aucun domicile fixe, se sert en la circonstance de notre maison. Pour une fois, son sans-gêne me sert. Il se rend à ma merci. Il n'y a plus qu'à attendre. L'essentiel est que je le tienne dans ma main. Que je lui arrache la vérité sur Rose Aimée. Hommes. Les deux témoins du comte et vraisemblablement le médecin. On va les introduire au salon de réception. Je vais me poster dans le petit boudoir empire séparé du salon par une simple tenture. Je ne suis pas en retard. Monsieur le comte, j'espère. Du tout, cher ami. Eh bien. Les conditions, ce monsieur ? Sont les nôtres, cher ami. La rencontre a lieu dans 2 heures au pied du Mont Valérien. Les témoins de monsieur Robin n'ont soulevé aucune objection. Vous disposez de 4 balles chacun, à volonté, sans commandement, à 30 pas. Vous pouvez marcher l'un sur l'autre. En sorte que nous allons gentiment nous tirer l'un sur l'autre jusqu'à ce que mort s'en suive. Mon cher comte, permettez-moi de tenter un dernier appel. Ces conditions sont déplorables. Inusité, mais il est encore possible de les modifier. Il me semble que 2 balles à 30 pas au commandement... Mon cher docteur, je rends grâce à vos excellentes intentions, mais voici nos amis qui vous diront comme moi qu'il est trop tard pour rien changer à l'ordre et à la marche du programme. Un misérable a prémédité un véritable assassinat. Croyez-nous, docteur, nous avons tout fait pour arracher au comte des résolutions moins terribles. Oui. N'en parlons plus. Et d'ailleurs, il est temps de nous mettre en route, si nous voulons être exacts. Messieurs, quand vous voudrez. Oui. Comte, 2 mots, je vous en prie. Avant votre départ. Comtesse, mes hommages. Messieurs, je suis à vous à la minute. Je vous rejoins dans le landau. Qu'avez-vous à me dire ? Faites vite. Je suis pressé. Presque rien. Simplement ceci. Votre fille est morte. Morte ? Ma fille ? Mais je n'ai pas de fille, madame. Je précise, votre fille, Geneviève Clément, elle est morte. Vous devenez folle. Madame, mes minutes sont comptées, nous reprendrons cet entretien plus tard. Si je reviens vivant... Vous reviendrez vivant, comte, parce que vous ne vous battrez même pas. Vous dites ? Vous dites ? Je ne me battrai pas ? Ah, vous avez peur, n'est-ce pas ? Peur pour lui. Et lui aussi a peur. Vous tremblez, tous les deux. Eh bien, mademoiselle Bonheur, vous avez raison d'avoir peur. Car je vais vous le tuer, entendez-vous? Et rien ne pourra lui sauver la vie du moment où je le tiendrai au bout de mon pistolet. Vous croyez m'insulter en me donnant mon nom de jeune fille? Vous m'inspirez plus de mépris que de pitié. Rien ne saurait vous empêcher de le tuer, misérable, rien. Pas même la justice qui peut à l'instant se saisir de votre personne. Que voulez-vous dire? Monsieur le comte de Charmeuse, pouvez-vous me dire dans quelle bagne on envoie les criminels coupables de cette suprême infamie? Une substitution d'enfant. Vous avez bien de l'imagination, mademoiselle Bonheur. Vraiment? Demandez donc à Valentine Clément. La garce! Vous êtes toutes des garces! N'avancez pas où je tire! Avec vous, il y a toujours des précautions indispensables à prendre! Ah, vous êtes bien la fille de votre père. Je devrais vous étrangler. Faites, monsieur! De toute façon, il reste un témoin pour vous accuser, votre maîtresse. Elle est là, monsieur. Et vous la croyez? Mais c'est elle qui a tout manigancé. J'appelle vos amis et Valentine. Si vous avez menti, je vous fais arrêter par vos témoins. Ce sera une affaire d'honneur digne de vous. Inutile. Vos conditions. D'abord, vos excuses à monsieur Jean Robin sur le terrain. Ah non. Ah non, pas ça. De grâce. Pitié. Pas ça. Pitié. Avez-vous eu pitié de moi? Pitié de Jean Robin, pitié de Rose-Aimée, ma fille. Ma fille. Qu'en avez-vous fait? Où est-elle? Est-elle encore vivante? Répondez. Hélas, le sais-je. Comment vous l'ignorez? J'appelle, monsieur. Je l'avais confié à un certain Ragdal, dont je n'ai plus de nouvelles. Ce n'est pas vrai. Vous avez fait cela. Excusez-moi, madame. Mon cher ami, nous sommes déjà en retard. Allez, monsieur. On vous attend. Quand vous reviendrez, vous me direz le faux ce que vous avez fait de ma fille. Allez, n'oubliez pas mes conditions. Vous me jurez de ne jamais me dénoncer si j'exécute vos ordres. Je vous le jure. Mais n'oubliez pas des excuses ou le bagne. Mon Jean. Ma petite Rose-Aimée. Du faible revient Musette. La neige tombe, c'est l'hiver. Il fait bien froid dans la chambrette où je chante comme Murgère. Pendant une longue journée, pensive, je suis resté devant le vieil almanach de l'année où nous sommes aimés. Avril, ce mois-là me rappelle le premier jour où je te vis. Tu me chantais sous la tonnelle un vieux refrain que tu m'appris. Nous partîmes quand vint la brume, ta petite main dans ma main. Et le soir au clair de la lune, tu m'embrassais sur le chemin. Du pays bleu revient Musette, la neige tombe, c'est l'hiver. Il fait bien froid dans la chambrette où je chante comme Murgère. Pendant une longue journée, pensive, je suis resté devant le vieil almanach de l'année où nous sommes aimés tant. Octobre, ce mois inaugure la liste des jours moins joyeux. Avec l'éclat de la nature s'envolait l'éclair de tes yeux. Je sentais, malgré nos ivresses, en dépit du raisin vermeil, que la chaleur de tes caresses s'éteignait avec le soleil. Du pays bleu revient Musette, la neige tombe, c'est l'hiver. Il fait bien froid dans la chambrette où je chante comme Murgère. Pendant une longue journée, pensive, je suis resté devant le vieil almanach de l'année où nous nous sommes aimés tant. Nous sommes les premiers, mon cher général, en cas de... l'accident, je compte sur vous. Bien entendu. Voici la clé de mon bureau, vous y trouverez quelques lettres et mon testament. Me voici devant la mort. Une mort presque certaine. Et la perte d'un bonheur qui s'évanouit à l'instant où je croyais le tenir. Je vais me battre avec un individu auquel il m'est interdit de toucher. Rien ne peut me sauver. Ah, ça, ils ne viennent pas, voilà 10 minutes que nous poireautons. Encore 10 minutes. Puisqu'on m'appelle le roi de la pierre, je pourrais parodier Louis XIV en disant j'ai failli attendre. Ah, tout de même, les voilà. Monsieur. Monsieur, je... Comte, vous alliez, je crois, parler à votre adversaire. Oui. Enfin, non, non. Messieurs, tirons au sort, s'il vous plaît, pour connaître le directeur du combat. Adrienne, peut-être, ne te reverrai-je plus. Je veux une belle mort digne de moi. Vos excuses, ou le bagne. Des excuses, jamais. Une seule solution digne d'un homme. Je vais le tuer et me tuer ensuite. Messieurs, allez! Non, non, grâce. Je ne peux pas, vous n'avez pas le droit. Les excuses ou le bagne. Allez. Monsieur. Enfin. Monsieur, je vous ai insulté sans le savoir. Je vous demande pardon. Comte. Comte, revenez à vous. C'est un moment de folie. Je vous ai insulté sans raison. Je vous en demande pardon. Messieurs. Je vous remercie. Il devient inutile de... Vous tenez encore votre pistolet, comte. Tuez-vous. Jeter le déshonneur sur un nom comme le vôtre. La mauvaise presse va s'emparer du fait, le dénaturer, le grossir, afin de discréditer une classe de la société. Tuez-vous ! Il ne vous reste plus que cela à faire. Le pistolet. Oh non, non. J'ai peur. Pourquoi me tuer ? Que lui ai-je fait à ce misérable Yankee venu du bout des mers pour m'assassiner ? Messieurs, votre parole, que le nom de Madame la Comtesse de Charmeuse ne sera point prononcé si vous croyez devoir jamais parler de cette pénible scène. Monsieur, nous jurons. Nous vous le promettons. Justice, tu n'es donc pas un vain mot. Amour, tu es donc une sublime réalité. Voyez. Le comte de Charmeuse s'en va, courbé comme on marche derrière un cercueil. Il s'éloigne, s'efface, disparaît. Monsieur de Charmeuse est mort. Ses funérailles sont remises à une date indéterminée. Requiesce at in pace. Le comte de Charmeuse marcha droit devant lui. Il le savait où il allait. Au pied du mont Valérien, où l'un des siens était tombé pendant le siège, face à l'ennemi, lui avait renié son passé, assassiné la gloire et l'orgueil d'une race, étranglé la tradition qui lui venait d'une longue lignée d'ancêtres. On pouvait marcher dans ce champ boueux, on y trouverait un cadavre, la loque de son honneur. Il ne pouvait s'arrêter de marcher. Il crut remarquer qu'on le regardait. Il boutonna sa redingote sur son col arraché. J'ai froid. J'ai faim. Il entra dans un mastroquet, s'attabla, Sa tête tomba dans une de ses mains. À quoi arriva-t-il? Dans quelle déchéance s'enfonça peu à peu la pensée de ce malheureux? Quelle lutte déchirèrent son âme? J'endurais 10, 50, 100 s'il le faut. Il sortit et reprit sa marche au hasard, s'arrêtant parfois des demi-heures entières à la même place. Pétrifié, laissant échapper d'incohérentes paroles, discutant de son terrible cas avec l'âpre acharnement d'un homme qui ne veut pas mourir. Monsieur, mettez-vous à ma place. Pouvais-je assassiner la comtesse? Elle me tenait par l'argent. D'affolantes pensées fusaient brusquement comme des laves de volcan. Je la hais! Ma mésalliance fut le commencement de ma déchéance. L'insondable murmure de la rue formait dans ses oreilles un bruit monotone, puissant, infini, comme la rumeur de l'océan. Et c'était bien la mer indéchiffrable et mystérieuse, l'océan parisien, où il roulait, tanguait, ballotté au vent de sa pensée, misérable épave perdue. Oh, que je suis fatigué! Que je suis donc là. Quelle heure est-il? Oh, ce n'est pas possible. Il fait nuit. Déjà. Il échoua plus par instinct que par volonté aux Champs-Élysées, bousculé tête basse contre la devanture de certains cafés où la veille encore il entrait, heureux d'être regardé, admiré. Et un sanglot d'immense désespoir lui déchira la gorge. La réaction se produisit foudroyante. Le comte de Charmeuse, brisé, agonisant, s'abattit sur un banc, comme un gueux, sans feu ni lieu, sans gîte, comme un chien perdu loin de sa niche. Par un ultime effort, il s'enfuit loin des hommes et des choses, témoins de sa splendeur passée. Pas une seconde, il ne songea au suicide. Il voulait vivre pour sa vengeance. Il la voulait complète, féroce et raffinée. Tout à coup, il aborda une route bordée de guinguettes, un coin de féerie. On cherche une femme à Paris, maintenant même en y mettant le prix, on ne rencontre autre plus que des débris ou de la charogne. Mais pour trouver ce qu'on a besoin, il existe encore un bon coin, c'est au bout de Paris, pas ben loin, au bois de Boulogne. C'est un bois qui est vraiment rupin, quand on veut faire un bon chopin, on s'y fait traîner en sapin et sans vergogne. On choisit tout le long du bois, car il n'y a que de la grenouille de choix, et il y a même des gonzesses de roi au bois de Boulogne. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Steele. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 9e épisode. Avec Jean-Roger Cossimon dans le rôle de Bruand. Et Pierre Constant, Jean Robin, Monique Thierry, Adrienne, Douchka, Valentine Clément, Roger Mollien, Roger de Charmeuse, René Renaud, le journaliste. Avec Jean-Jacques Steen, le général. Jean Péméja et Bruno Balpe, les témoins. Charles Marozzi, le médecin. Michel Vénard, Mélanie. La rue Saint-Vincent, par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouli. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers.